J'ai tracé nos rêves sur le sable, sur une plage abandonnée. Si les vagues les ont effacées, je savais que tu m'attendais. Aujourd'hui tout devient réel, nos vies sont prêtes à s'enlacer. Sur la pointe des pieds, je peux toucher le ciel. British Connection, votre émission rock vous a proposé quelques secondes de bonheur auditif. Écoutez British Connection, l'émission rock qui vous aime et qui prend soin de vous. Le rock est formidable, le rock est impeccable, le rock est remarquable, le rock est appréciable, le rock est adorable, le rock est admirable, le rock est délectable, le rock est estimable. J'aime pas le rock. Il est inimitable, il est inappréciable, il est inoubliable, il est inégalable, il est inattaquable, il est inestimable, il est indispensable, il est indiscutable. J'aime pas le rock. Je vous dis que j'aime pas le rock. Il n'aime pas le rock. Ah non, j'aime pas le rock. Alors je déteste le rock. J'ai horreur du rock. Il n'aime pas le rock. Je hais le rock. J'abomine le rock. Je maudis le rock. Il n'aime pas le rock. J'aborde le rock. Je méprise le rock. J'exècre le rock. Le rock est haïssable, le rock est détestable, le rock est exécrable, le rock est lamentable, le rock est déplorable, le rock est méprisable, le rock est imbuvable, le rock est effroyable. Oh mince, il aime pas le rock. Il est inqualifiable, il est déraisonnable, il est intolérable, il est inacceptable, il est insupportable, il est insoutenable, il est inconcevable, il est abominable. Pourtant le rock c'est bad quoi. Il n'aime pas le rock. Ah non, j'aime pas le rock alors, ah non. Ça me dégoûte le rock, hein, j'aime pas ça alors. Il n'aime pas le rock. Ah ouais, j'aime que la danse viennoise de toute façon alors. Il n'aime pas le rock. Ah le rock, ça me fait, hein, ça me fait un drôle d'effet. Hein. Il n'aime pas le rock. Ah, j'adorais ce gars, il était punk dans l'âme. Jean-Yann avec le titre J'aime pas le rock. Et puis ça, c'est le son vinyle qui craque dans tous les sens dans British Connection. Le groupe Choléra, un groupe essonien 1984 avec la loi. La même année, RAF, R-A-2-F, sortait ce titre Ne crois pas. Ils viennent de sortir récemment un album Live on the Slopes en souvenir de cette époque. RAF dans British Connection. Jacqueline, ne touche que du vent. Être digne de toi et ne crois pas. British Connection. Assassine, bêta dans la poche, je te juge, bêta contre moi. Oulala! Connection. Déchire ton perfecto. On n'a plus le temps pour les promesses. On n'a plus le temps de voir venir. On n'a plus le temps pour la sagesse. Pour l'alpaga et les âmes tristes. Ça sert à quoi de sauver la presse? S'il n'y a plus personne qui sait lire, c'est pas la folie qui nous guette. C'est la peur d'avoir rien à dire. Surtout de pas sortir de la piste. Surtout de pas sortir de la piste. Puisqu'il n'y a qu'aux riches que l'on prête. C'est les rebelles contre l'Empire. Tous payent, tous sait, tu nous mérites pas. On est les bons, pas les mauvais, tu nous mérites pas. On a fait tout ce que tu voulais, tu nous mérites pas. Tu veux sortir sous les bravos, tu les mérites pas. Et si tu crois que c'est la fête, tu nous mérites pas. Qu'on sera sauvé par internet, tu nous mérites pas. Qu'on s'est transformé en trompette, tu nous mérites pas. C'est nous qui étions les héros, tu nous mérites pas. Et le bonheur c'est comme les fleurs, y'a qu'à se baisser. Se mettre à son compte numéro THSBC. Arrêtez de piquer des colères d'enfants gâtés. Rendez-vous compte de la chance que vous avez. Y'a plus de doctrine, y'a que des vitrines, y'a pas de doxa. Et si jamais t'as un coup de mou, bois de la bourra. Tu peux te lâcher sur les bazos, c'est remboursé. Pense à la France, pense, pense à plus penser. Y'a qu'à laisser faire la machine et puis bon débarras. Elle prendra ta place à l'usine, t'auras du temps pour toi. Prends-toi en main, montre-moi ce que tu sais faire. Prends ta chance, c'est maintenant, tout va bien, laisse-toi faire. Tous payent, tous sait, tu nous mérites pas. On est les bons, pas les mauvais, tu nous mérites pas. On a fait tout ce que tu voulais, tu nous mérites pas. Tu veux sortir sous les bravos, tu les mérites pas. Et si tu crois que c'est la fête, tu nous mérites pas. Qu'on sera sauvé par internet, tu nous mérites pas. Qu'on s'est transformé en trompette, tu nous mérites pas. C'est nous qui étions les héros, tu nous mérites pas. On n'a plus le temps pour les promesses. On n'a plus le temps de voir venir. On n'a plus le temps pour les caresses. Pour la morale et les âmes tristes. Surtout de pas sortir de la piste. surtout de pas sortir de la piste, puisqu'il n'y a qu'aux riches que l'on prête. C'est les rebelles contre l'Empire. Tous payent, tous sait, tu nous mérites pas. On est les bons, pas les mauvais, tu nous mérites pas. On a fait tout ce que tu voulais, tu nous mérites pas. Tu veux sortir sous les bravos, tu les mérites pas. Et si tu crois que c'est la fête, tu nous mérites pas. Qu'on sera sauvé par internet, tu nous mérites pas. Qu'on s'est transformé en trompette, tu nous mérites pas. C'est nous qui étions les héros, tu nous mérites pas. Tu nous mérites pas. Tu nous mérites pas. Voilà, Silmarils, un instant avec Tu nous mérites pas. Attention, ils sont en grosse tournée, enfin, ils font la tournée de tous les festivals, la plupart des festivals de cet été. Vous avez des informations sur leur page et sur leurs réseaux sociaux, évidemment. Et puis, eux, ce sont les piliers du hardcore californien. Pennywise, Pennywise, énergie brute, énergie brute, brute, brute, assurée. Oh, ouf. Ça rigole plus hein, pour la dernière émission de la saison. Après Pennywise, je vous propose, alors eux, ce sont les incontournables, les mythiques Gorilla Biscuit. Ils étaient la semaine dernière à Paris au Glass Art, puis ils ont enchaîné sur la scène Warzone du Hellfest. And I keep myself with my eyes on thrown on this day. It's in my time, and it waits without learn. I'm all in now, for a better deal, for something real. You know I'd like to say that I get through the day, and all within left off, how strong's our will. Stand still! I can't play with the end I see. You better look into me. You try to look your best, but you'll never ask it. It won't make you happy. A standard set that I just can not live up to. It steals my time and it wastes what I've learned. I'm holding out for a better deal, for something real. You know I'd like to say that I get through the day, and all within left off, how strong's our will. Still, still, our lives are led by demons, don't you know it, too. Instead of thinking we play Donkey Kong, there's something wrong with that. We're made to think life's like a game show. So here we go again. fucking slave to a TV show. You love a ball, but you sat in your spot. What did you learn? You don't even know. It's a brain vacation, or mental masturbation. It steals my time, and it wastes what I learn. I'm holding out for the freak of the day. I'd like to say that I am for the day. And all within left on, how strong your will. Stay still! British Connection. Here it comes again. Taste of jagged glass and rusty can. There are just black holes where the stars would be watching. Just black holes where the stars should have been. Pools of dirt caress a urine-colored sun. Swarms of angels come to kill your sons. And there's nothing but black holes where the stars should have been. Nothing but black holes where the stars would be watching. Strange are the noise digging again in your pit. Cover them in menstrual stream. Cover them black gold. Plunge them onto ingots, ripping through your menstrual stream. Rising up, taste of rustic can and jagged glass feeling again. Here it comes again. Hordes of locusts blot out your sun. Raining down rain on everyone. Oh, little Richley. Oh, little bleeding hearts. Oh, little misunderstood. Kiss on it, I'm sick of it. Enough is enough, I wanna fuck it up. In spite of it, just for the hell of it, I wanna fuck it C'est la deuxième partie de l'OP de la semaine, celui de Little Nemo, Esterel Session. Salut, c'est Yves, le batteur de Little Nemo. Alors moi, je voudrais vous parler de Libertine, un morceau que j'écris un peu comme un patchwork. Et ensuite, Vincent a écrit de magnifiques paroles. Bonjour, moi c'est Vincent. Il s'agissait d'écrire une photo pop de mes impressions captées lors d'un voyage à New York. Et puis c'est devenu un morceau d'adieu à mon frère Hervé, disparu l'an dernier, qui adorait cette ville. Aussi ce morceau lui est dédié. En 2025, ce titre a une résonance particulière, en écho au marasme américain et au concept de liberté bafoué que ce pays représente désormais. New York, ton temps s'évapore. Martine. Polyphonique. Martine. Size. Pierre. Pierre. Pierre. Pierre. Cousin Marc. Polyphonique. Cousin Marc. Size. Glen. Glen. Glen. Glen. Polyphonique. Size. Sur British. Sur British. Polyphonique. Size. Sur British. British. British Connection, l'émission rock qui te fait découvrir les groupes que les autres radios ne prennent pas le temps d'écouter. Alors, écoute ça. Avant de perdre ta face et de m'éteindre comme un vieux mégot, mon tout dernier regard se portera sur tes fesses, où je cachais chaque nuit le plus précieux de mon magot. Avant de vomir mes adieux et de m'écrouler comme un vieux pavreau, mon tout dernier regard se portera sur tes yeux, chaque nuit les plus brumeux de mes propos. Je t'ai toujours aimé, je t'ai toujours aimé. Se portera sur ton cœur.